s'étire. Les ombres rampent, le danger inspire. Les yeux s'ouvrent, la chasse commence. Ruth s'éveille en pleine transe. Je glisse dans l'ombre, pioche à la main. La proie s'approche, mais je suis le chagrin. Les pièges sont posés, les balles prêtes. Chaque pas compte dans cette quête secrète. Les viewers chuchotent, spamant l'espoir. Chaque mouvement peut être le départ. Le souffle court, les sens aiguisés. Dans ce jeu cruel, rien n'est donné. Chasse, la proie est en vue, que Rust est un piège, la victoire attendue. Rare Riders qu'il traque, la tension est là. La base ennemie ne sait pas ce qui va. L'ombre s'étend, le silence se brise. La guerre est là, c'est notre devise. La fête est là, Rust est notre monde, c'est ici qu'on bat.